Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 9e épisode de Sur nos écrans. Au programme de la semaine, comme d'habitude, beaucoup de news du côté des adaptations de comics au cinéma et à la télé. Et puis le débrief de la semaine qui sera consacré à la nouvelle série de la CW, adaptation du comics Vertigo, iZombie. Je suis Mathieu et vous allez écouter Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et cette semaine avec moi, le retour d'Elodie. Bonsoir tout le monde. Elvire. Bonsoir. Et Arnaud. Salut. Alors on va commencer comme de coutume par l'actu ciné. Et Arnaud, tu vas nous parler d'X-Men. Oui, alors on a appris cette semaine que Jennifer Lawrence avait signé un contrat pour 3 films. Et donc après First Class, Days of Future Past et Apocalypse, elle quittera la franchise puisque ce sera son 3e film, son contrat se termine. Donc elle quitte. Donc Mystique va disparaître des X-Men en principe. Ouais. En même temps, s'ils font des bonds dans le temps à chaque fois, pas étonnant qu'au bout d'un moment. Enfin, Mystique version humaine. Hein. Oui, voilà, après tout, elle peut prendre la forme de n'importe qui, donc elle peut tout à fait être recastée. Hein. Oui, ça. Et puis elle peut, enfin, ils peuvent la laisser en bleu, comme les premiers X-Men. Aussi, ouais. Oui, ça coûte un budget quand même. Si on ajoute à cela les propos plus ou moins en filigrane de, merde, comment il s'appelle, Hugh Jackman, qui parlait d'interpréter Wolverine une dernière fois. Et ce sera même pas pour le Apocalypse. Voilà, du coup, ça serait le 3e Wolverine qui serait sa dernière apparition en tant que Logan. Donc ça fait de gros départs pour la franchise, en tout cas. J'ai l'impression que chaque année, il dit que c'est la dernière fois qu'il va jouer Wolverine. C'est pas la première fois qu'il nous dit que c'est la dernière fois. Oh, c'est un peu comme Robert Downey Jr. en fait. C'est pour avoir un plus gros salaire. Voilà. Et en même temps, s'ils partent, hein, ça leur fera des économies de salaire. Et peut-être pour payer les scénaristes. Ouais. Allez, on va rester du côté des pour X-Men. Engager. Oui, ou en engager tout court. Ouais. On va rester du côté des X-Men et on va parler de Deadpool. On a eu cette semaine sur Twitter la photo postée par Ryan Reynolds de Deadpool en costume. Une photo, j'ai envie de dire, dans la lignée du personnage. C'est clair. Allongé sur sa peau de bête. Et puis, suite à ça, on a également eu le logo officiel du film, sans aucune surprise. C'est le logo des comics, tout simplement. Il n'y a pas de rajout ni de modification particulière. Et puis, on a eu... Pour ceux qui ne connaissent pas, tu voudrais peut-être expliquer un peu qui est le personnage? Eh bien, justement, on a eu également le synopsis de Deadpool. Alors, synopsis que je n'ai pas lu, que je vais lire en même temps que je vais vous en parler. Deadpool, c'est qui? C'est le anti-héros non conventionnel de base. Enfin, c'est l'archétype même du mec en dehors des règles. On aura dans ce film son origin story, tout simplement. Son identité civile, on va dire, c'est Wade Wilson. Et puis, il a été sujet à des expérimentations. Le projet Weapon X, le même projet que celui qui a changé Logan en Wolverine, et ben, il a eu des pouvoirs de guérison. Il va prendre le nom de Deadpool et son fameux costume rouge et noir. Et ce qu'il caractérise surtout, c'est son sens de l'humour et le fait qu'il soit conscient qu'il est un personnage de fiction. D'accord. Voilà. Et puis dans le film, apparemment, il va se mettre en quête, enfin en chasse, pour tout simplement buter le mec qui a presque détruit sa vie en faisant de lui Deadpool. Voilà. Tout ça avec beaucoup d'humour. Oui, logiquement, tout ça avec beaucoup d'humour, j'ai envie de dire comme sur la photo. Juste dommage que ce soit Reynolds qui l'interprète. Non, moi je suis plutôt content parce qu'il est tellement derrière le projet, ça fait tellement longtemps qu'il prépare son truc, qu'il défend son personnage et machin, Ryan Reynolds, maintenant, c'est Deadpool, quoi. Je pense qu'il a vraiment l'esprit du personnage, il l'a vraiment saisi et ça devrait faire un très bon Deadpool. Il a prouvé qu'il peut être drôle. Rien que dans son dernier film, The Voices, il prouve qu'il est super drôle. Oui, et puis dans Green Lantern aussi. Ah bon, t'as rigolé, toi? Bah oui. Bah pas moi. Ok. Bah tu regarderas Green Lantern, il te prouvera qu'il est drôle aussi dedans. Ah mais je l'ai vu. Mauvais souvenir. Alors, c'est pour ça que moi, Ryan Reynolds, je suis vraiment pas fan. Alors, à mon avis, ce sera vraiment à l'opposé pour ça. Elvire, tu vas enchaîner avec le côté DC, cette fois, du cinéma? Oui, avec on a eu le visuel de Deadpool pour Marvel et pour DC, on a la première photo de Lex Luthor pour Batman versus Superman. Pas grand chose à dire pour moi. Voilà, on voit la photo de Jesse Eisenberg. Bah, sans sa touffe de cheveux frisés, voilà, donc le crâne rasé. Bah, pour moi, c'est pas une grande surprise. C'est comme ça que je m'imaginais. Lex Luthor, donc. Oui, voilà, noir et blanc, comme la photo d'Aquaman, enfin, comme la photo de Batman, comme tout ce qu'on a eu jusque-là sur le film. Ah, non, oui. Et il est bien creusé du visage, hein, aussi, très. Oui. Oui. On sent que c'est pas un personnage qui va. Bon, on sent la dépression dans dans son regard, je sais pas. Bon, on sent l'ambiance noire, en fait. Bon, puis il fallait bien le rendre inquiétant, hein, puisque, après tout, c'est un méchant, donc. Bon, voilà, une photo vraiment sans surprise, quoi. Ça aurait pu être la photo d'identité du mec sur son passeport, c'était pareil, quoi. Il n'y a pas de costume particulier, il y a pas, enfin voilà. C'est... Non, il a un t-shirt, je suis sûr, le même qu'il y avait dans The Social Network. juste la confirmation qu'il est chauve. Voilà. Et puis on aurait pu vous parler dans l'actualité ciné des frères Russo à la réalisation d'Infinity War pour Marvel Studios et de Marvel Studios qui est en quête d'une réalisatrice pour Captain Marvel, mais on vous en parlera pas, ce ne sont que des rumeurs. On va donc passer directement à l'actu télé. Et Elvire, tu vas reprendre la main puisque tu vas nous parler. Tu veux donc parler de quelle série? De Lucifer. Lucifer. Donc on a encore eu une news casting concernant Lucifer. Et c'est quelqu'un qui n'est pas étranger aux deux fans qui regardent Gotham. Non, plus, parce que ça fonctionne bien aux États-Unis. Mais donc voilà, dans Lucifer, on va avoir Leslie Ann Brent qui jouait un méchant, une vilain dans. Copperhead dans Gotham, dans un épisode de Gotham. Et donc là, dans Lucifer, elle va jouer Maze, ou Maisie Keen, qui est un démon, en fait, et qui prend la forme d'une jolie femme. C'est vrai qu'elle est pas moche. Mais dans les comics, elle est double face, en fait. Elle a un côté très joli et un côté tout défiguré. Donc est-ce qu'on va avoir ça dans la série Lucifer? Je ne sais pas. Et donc voilà, c'est juste un démon. Voilà, donc elle remplacerait du coup Lina Esco qui avait le rôle initialement et qui a quitté le projet. On vous en parlera au mois d'avril, c'est-à-dire là, dans deux semaines, même pas, Lazarus va sortir chez Glena Comics, le comics Image de Greg Rucka, et on a appris cette semaine que Legendary développe une série adaptée de Lazarus avec donc Greg Rucka pour scénariser le pilote. Donc Lazarus est un bon comic, quelque chose de vraiment très sympa, qui à mon avis pourrait très bien rendre en série télé. En plus, il s'attache Greg Rucka pour scénariser le pilote. Pour moi, c'est un projet qui démarre bien. Après, on verra. Et puis Arnaud, tu vas nous confirmer ce qu'on savait déjà, ou presque. Oui, on a appris le titre du spin-off, plutôt l'officialisation du titre du spin-off de The Walking Dead, qui sera donc Fear the Walking Dead. Et donc, on se connaissait déjà puisque ça avait été annoncé il y a quelques semaines sans que ce soit l'annonce officielle. C'était pour l'instant censé être encore qu'un titre de travail. Mais finalement, on ne sait pas si c'était juste pour garder un semblant de suspense ou si c'était parce que ils essayaient de trouver un titre meilleur que ça qu'ils ont finalement abandonné. Mais en tout cas, voilà, le spin-off s'appellera Fear the Walking Dead et la saison 1 est prévue pour cet été. Voilà, et puis, bon bah, nous sommes jeudi, jour où vous écoutez l'émission, nous on est dimanche 29 mars, donc nous ne l'avons encore pas vu, mais il y a un premier trailer qui a été diffusé après le final de la saison 5 de The Walking Dead. Donc vous débrieferez très bientôt. Exactement. Et puis Elodie, tu vas nous parler du retour de celui qui cligne des yeux comme personne. Oui, en effet, nous allons pouvoir retrouver Hiro Nakamura dans Heroes Reborn. Donc l'acteur rejoint Jack Coleman, qui lui aussi était là dans la série d'origine. Il rejoint également Zachary Levi et Robbie Kay qui ont été annoncés au casting de la série. Donc voilà, est-ce une bonne nouvelle? Non. Je sais pas. Pas pour l'acteur en tout cas. Oui, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais après pour nous, je sais pas. Oh, écoute, moi je l'aimais bien, en tout cas au début de la série, il était cool. Bah, la saison 1 était cool aussi, donc voilà, après... Il y a eu 3 de trop, et maintenant ils en font une autre supplémentaire. Ouais, mais qui sera peut-être ce qu'aurait dû être la deuxième, finalement. Peut-être qu'ils ont eu le temps de réfléchir. C'est une série à part, ou bien ils considèrent ça comme saison 4 Saison 5, même, ce serait, parce qu'il y en a déjà 4. Non, c'est... Enfin, non, non, c'est Heroes Reborn saison 1. Suite, reboot, enfin, c'est dans la continuité, quoi. Voilà, c'est dans le même univers, mais bon. Ils disent pas saison 5, mais l'idée est là. Ok. Parce que s'ils disent saison 5, justement, ils ont, dans la logique, c'est que les nouveaux spectateurs vont avoir peur de démarrer au milieu d'une série. Donc, en disant que c'est une mini-saison événement, ils disent, on va attirer de nouveaux publics. Mmh. Oui, et puis appeler un truc Reborn pour lui donner un numéro de saison qui est le 5, c'est... Voilà. Ouais. Et donc, on a aussi appris que la diffusion est déplacée à l'automne au lieu de cet été. Voilà. Exactement. Allez, on termine, Elodie, encore avec toi, concernant les agents du Shield. Oui, en effet, je vais faire ma petite partie corporate. Les agents du Shield en français, donc Agents of Shield, est diffusé donc depuis 2 semaines. Bon, maintenant, quand vous allez écouter le podcast, ça fera 3 sur W9. Et comme les audiences sont plutôt bonnes, même voire excellentes pour la chaîne, on va dire, c'est diffusé le mercredi soir en prime. La première soirée avait fait 1,6 million, si je me trompe pas. C'est ça, à peu près, oui. Et revenu en deuxième semaine avec 1,2 million, donc une légère baisse, mais ce qui reste quand même des chiffres totalement acceptables pour la chaîne. Donc ils ont décidé, au lieu de diffuser 3 épisodes inédits en prime, d'en diffuser seulement 2 pour pouvoir faire durer la série plus longtemps en semaine sur la chaîne. Donc voilà. Donc oui, on sait plein de bonheur sur cette chaîne. Bah, c'est une bonne chose, puisqu'on voit bien dans les audiences, si on regarde le détail des 3 épisodes, que le 3ème épisode souffre d'une baisse d'audience, parce qu'il commence tout simplement à se faire tard, et que 3 épisodes, c'est beaucoup. Et pour une fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne sur W9... Autant faire durer. En dehors des Simpsons, tu veux dire. Voilà, en dehors des Simpsons. Ouais. Et rappelons quand même que Jean-Tophile avait fait des super scores aussi sur Série Club à l'époque où ça a été diffusé. D'ailleurs, c'était la première chaîne qui a diffusé en France. Et ça avait fait jusqu'à 500 000 téléspectateurs, ce qui est quand même énorme pour une chaîne payante. Je crois que t'es la seule à le savoir, parce que je crois qu'on n'a pas les chiffres de Série Club. Ah si, ça avait été... Ah bon, moi je l'avais lu dans la presse. Hein. C'était... En général, Canal 7 révèle pas trop les audios. Oui, bah là ils s'en vantent, tu m'étonnes, 500 000. Ah oui, ça avait été mis, justement, 500 000, même les scores de la TNT HD fait pas autant, ou alors c'est vraiment un gros carton quand ils font 500 000. Hein. C'est ça. Bien, eh bien les news sont terminées pour cette émission et pour cette semaine. Nous allons maintenant passer donc au débrief de la semaine. Comme promis, c'est iZombie qui va passer sur le grill aujourd'hui. 2 épisodes ont été diffusés à l'heure où nous enregistrons cette émission. Pour un petit point sur peut-être sur les audiences de la série au niveau de son accueil sur la CW, 2,29 millions de téléspectateurs en première semaine pour le pilote. Et 1,99 million pour le deuxième épisode, donc plutôt une bonne rétention, et puis des scores plutôt dans la moyenne haute de la chaîne. Donc c'est très bien tiré par The Flash, parce que The Flash est juste avant, il me semble. Oui. Donc bah voilà, le combo semble fonctionner. On va voir si ça fonctionne aussi pour nous, maintenant qu'on a regardé ces épisodes. Il me semble que ça va pas être le cas pour tout le monde si j'ai bien pris la température ici et là. Qui veut peut-être nous présenter un petit peu le concept de la série, puis après on présentera rapidement les personnages avant de donner notre avis. Ne vous précipitez pas tous. Non, allez-y. Hein. Oh, mais peut-être temps. Tu peux le faire. Eh hein. Ben vas-y. Donc, Liv en fait est une étudiante en médecine légale, et au cours d'une soirée qui a mal tourné, elle est transformée en zombie. Mais ce n'est pas une zombie comme les autres. Grâce à son boulot, elle peut justement se nourrir de cerveaux de défunts qu'elle étudie. Mais le souci, c'est quand elle mange ces cerveaux-là, elle récupère leurs souvenirs. Et donc, elle est en de vision avec les souvenirs des défunts. Et donc, elle peut résoudre des meurtres, des enquêtes grâce à ça. Voilà. Et donc, forcément, elle va aider un détective, le détective Babino. Voilà. Parce que, comme par hasard, tous les cerveaux qu'elle mange sont des victimes de meurtres. Et bah oui, vu qu'elle travaille... À la base, elle est étudiante en médecine, et puis c'est suite à sa contamination qu'elle devient, qu'elle décide de travailler à la morgue, parce que ça sera plus simple pour elle. Mais c'est juste une morgue, hein. C'est pas forcément un endroit où on en voit que les meurtres ou les choses comme ça. C'est vrai. Bon, après, c'est eux qui montrent ça, mais il doit y avoir d'autres cadavres. Hein. Ouais. Je troll gratuitement, là. On sent que t'as beaucoup aimé la série. Bah, tu verras. Alors, les personnages donc, Liv, tu l'as dit, donc cette fameuse étudiante, on retrouve également donc, il est inspecteur, Babino ? Ouais. C'est ça ? Ouais. Détective, inspecteur, Bah en français on dit inspecteur, je crois. Voilà. Oui. Surtout on retrouve Ravi, enfin le docteur Ravi Chakrabarty, N'est-ce pas? Qui travaille, lui, à la morgue, qui est le patron, tout simplement, de Liv, et qui va découvrir très rapidement son secret. Et qui d'ailleurs va l'aider parce qu'il va essayer de trouver un remède à la maladie de zombie. Voilà. Hein, il va essayer de, voilà, de l'aider comme ça. Et puis, il va surtout la laisser manger des cerveaux. Qu'il est gentil comme boss. Et puis, ben forcément, cette capacité au niveau des meurtres, etc., va forcément attirer l'attention du détective Babino, l'inspecteur Babino. Et du coup, Ravi va lui dire qu'en fait, Liv est une sorte de médium, ce que Babino va gober. Et donc, il va accepter qu'elle l'aide pour résoudre ses enquêtes criminelles. Voilà. C'est le trio principal hein, qu'on a ici. Hein, après. Oui, bon, après on peut, il y a son ex-fiancée, sa Ouais, mais c'est coloc. surtout son ex qui a plus d'importance que sa coloc. Voilà. Donc Oui, son ex-fiancé qui est Major. oui. Ouais. Il est bon. Claire. Pardon? Le beau Robert de Claire. Voilà, qu'on a pu voir dans One Tree Hill. Ouais. Waouh! 666 Park Avenue. Ouais. Bon, celle-là, on l'a vite oubliée. Mais oui, dans One Tree Hill. Voilà. Et puis donc Blaine de Beers qui est un dealer de drogue qui est un zombie et qui est celui qui a contaminé Liv. David, joué par David Anders, qui on le présente plus, j'ai envie de dire, lui. Non, Oui, il y a plus. on a vu dans pas mal de séries. Oui. Bien voilà, le cadre est posé. Maintenant, il va être temps de donner notre avis et de voir qui est plutôt du côté de la défense et qui sera plutôt du côté de l'accusation pour cette série. Rapidement, pour prendre la température, bah tiens, Elodie, en quelques mots. En quelques mots, j'ai trouvé ça sympa, rafraîchissant. Voilà, on sent la patte de Rob Thomas derrière, parce que voilà, il y a quelque chose de Véronique à Mars, que j'ai adoré cette série à l'époque, donc voilà, c'est le côté que j'aime bien. J'aime un peu moins le tout le côté un peu procédural, parce que j'aime pas ce genre de série à la base. J'ai peur que ça me lasse un peu trop rapidement. Sinon, pour l'instant, c'était plutôt une agréable surprise. D'accord. Elvire, ton avis en quelques mots? Bah moi c'est le côté à la Véronica Mars que j'aime pas. Parce que j'aime pas Véronica Mars. Mais il faut D'accord. dire que je l'ai regardée, bah j'ai commencé à la regarder il y a pas longtemps, je l'ai pas vue à l'époque de la série, donc ça voilà, j'aime le côté zombie et procédural, non. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait. J'ai commencé la série sachant pas trop, mais moi je pensais que c'était vraiment centré sur les zombies au pluriel, et il y en a deux. D'accord. Donc voilà. Pour l'instant. Donc Pour déçu. Pour l'instant, il y l'instant, en a deux. pas déçu parce que j'avais pas trop d'attentes, mais j'ai pas envie de continuer. Ok. Arnaud? Bah, comme Elodie, je trouve ça vraiment sympa. J'ai bien aimé le mélange de genre procédural et les zombies. Bon, même si le côté procédural m'attire pas. Mais je trouvais ça plutôt sympa, le mélange, en plus avec une bonne dose d'humour. Comme elle disait Elodie, avec une bonne dose d'humour à la Véronica Mars, on retrouve plein de choses qui viennent de la série avec la voix off et tout ça. Et je trouvais que le mélange plutôt bien fait. Les acteurs sont vraiment vraiment cool. J'ai passé un bon moment dans les deux épisodes. Ok. Et pour ma part, eh ben, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt réussi. J'ai beaucoup apprécié les multiples clins d'œil au fait que le support d'origine soit un comics. Oui, le Et générique, les le photos. générique, les petites séquences d'introduction des chapitres, qui donnent du coup l'impression presque qu'un épisode égale un arc de comics. C'est vraiment découpé en chapitres, etc. Et c'est. Est-ce lié au pub aux États-Unis? Ouais, c'est ça, mais du coup, ils suivent vraiment une espèce de trame où il y a 5 ou 6 parties dans chaque épisode qui pourraient correspondre tout à fait à ce qu'on peut lire dans un épisode de comics. Donc ça, c'est plutôt réussi. L'actrice qui interprète Liv, j'aime beaucoup. Et puis bah pour le reste, on en parlera quand on rentrera dans les détails, mais voilà. Pour le moment, je suis plutôt convaincu par cette série et j'avais pas forcément envie de l'être au moment de la regarder, hein. J'ai vraiment regardé à reculons et donc bonne surprise. Pour le Mais moment. moi j'ai eu très peur hein, les premières minutes de la série quand même. Je me suis dit, oula, C'est-à-dire? bah c'est quand même un mélange qui est quand même particulier, et puis c'est surtout des zombies qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à la télé. Mais C'est-à-dire c'est justement, une c'est zombie ça qui était bien. gentille, humaine, qui est totalement humaine en final, parce que à part le fait qu'elle mange des cerveaux de morts, et en plus de gens déjà morts, quoi, elle les tue même pas. C'est bon, c'est un peu le monde des bisounours, hein. Mais voilà, et puis. Déjà, ça change, donc c'est une vision totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir quand on regarde, surtout quand on regarde The Walking Dead. Donc déjà, ça fait bizarre. Et puis après, il y a eu le côté procédural qui s'est mêlé à ça. Donc c'est vrai que moi, le premier truc, j'ai pas été emballée dans la première minute, dans les premières minutes, quoi. Il m'a fallu un peu plus de temps. C'était justement l'univers, ce que tu disais, Arnaud, genre l'humour qu'il y a aussi autour de la série, autour des personnages qui sont au final hyper intéressants. qui a rendu la série plutôt sympathique et agréable à regarder. Mmh. Au niveau des personnages et de leurs relations, peut-être. Bon, je l'ai dit, j'aime beaucoup le Rose MacIver dans le rôle de Liv. Le duo avec Ravi fonctionne bien. Avec Stéphane, oui. Il fonctionne bien, mais vraiment très bien. C'est vraiment, j'adore ce duo et j'adore, j'attends leur scène en fait à chaque fois. Bah, c'est souvent drôle et puis c'est vrai que Liv, elle est vraiment un peu anticonventionnelle, j'ai envie de dire. Elle est vraiment, elle a plein de trucs qui font qu'effectivement on sent la présence de Rob Thomas derrière, qui travaille bien ses personnages. Principaux, et j'ai envie de dire, ces personnages féminins. Oui, bah c'est la fille un peu en retrait, mais qui se laisse pas faire en même temps, qui se protège avec beaucoup d'humour, et oui. C'est vraiment super. Qui a beaucoup de répartie. Ouais, mais je préfère le duo Liv Ravi plutôt que Babino, plutôt qu'avec l'inspecteur. Bah, Babino. Ça fonctionne bien aussi, mais il y a moins de, je sais pas, quand elle est avec Ravi, je sais pas, il y a un petit truc entre les deux qui passe bien. Après, ouais, Babino, ouais, c'est plus le flic un peu limité, quoi, j'ai envie de dire. Bah, j'aime bien Babino. C'est le seul que j'aime bien. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il est un peu limité que je l'aime pas. Enfin, il apporte vraiment sa pierre aussi à l'édifice. Hein. Mais le problème, c'est qu'il est en retrait d'informations par rapport à Ravi. Et donc, forcément, il peut y avoir moins d'échanges avec lui. Jusqu'au, c'est tout ce qu'on voit dans, tout ce qu'on reproche par exemple aux séries de super-héros où, pendant 50 épisodes, personne n'est au courant que c'est telle personne derrière le masque. Là, c'est pareil, tant qu'il saura pas sa vraie nature, bah, il y aura toujours un décalage avec. Et donc, c'est ça qui peut être dérangeant, en fait, dans certaines situations qui peuvent paraître ridicules. Mmh. Oh, je pense que ça arrivera assez vite. Je pense aussi. On n'aura plus le syndrome Smallville. Non, moi, c'est le personnage de David Anders que j'aime beaucoup. Alors, on le voit pas vraiment dans le premier épisode, mais dans le second épisode, moi, je le trouve pas. Il est quand même bourré d'humour, il est charismatique. Je sais pas, j'aime beaucoup. Oui, il est très bien, mais David Anders fait du David Anders. Il a toujours les mêmes rôles dans toutes les séries qu'il fait. Donc, au final, c'est plus une surprise. Ça fonctionne bien, mais c'est pas une surprise. Hein. Donc, il m'a pas forcément marqué plus que d'autres, plus que Ravi, par exemple, ou Liv. Après, ouais, c'est vrai que Blaine, il va venir foutre un peu le bazar dans le trio Babino, Liv, Ravi, mais enfin oui, on entend effectivement pas moins de lui. Et puis il a pas trop de mystère en fait autour de lui. Non, mais avec ce qui se développe dans le deuxième épisode, surtout à la fin avec les deux autres criminels, on peut imaginer qu'il va essayer de monter une sorte de trafic, de monter une sorte d'empire, et au final. De club, et au final finir par s'opposer à Liv et à mettre tout le monde en danger. Ça peut devenir intéressant si ça prend plus d'ampleur. Là, pour l'instant, oui, il est plutôt banal, et je pense qu'on va voir encore plein d'autres zombies qui viennent de la soirée ou qui viennent d'avant encore. Oui, ou qui viendront même d'après. Oui, ça forcément on le voit, mais je pense que de la soirée ou même d'avant la soirée, il n'y a pas que Blaine et Liv. Oh non, oui, on va en voir d'autres. Oui. Quelque chose que j'ai beaucoup développé dans la série, surtout, c'est de faire moins de procédural et plus de feuilletonnant. Pas ce qui m'a dérangé le plus. Non, parce qu'à la rigueur, elle s'y prête bien, et puis le comic, c'est comme ça aussi, hein. C'est quelque chose de très. Mais si tu voulais pas des séries dans ce style, comme a pu faire Agent of Shield ou même Smallville sur un plus long terme, de faire un cas par épisode, ça devient vite relou et au final, il commence à faire plus sur les histoires perso et sur le grand méchant qui va, je sais pas, sur toute une saison ou un truc comme ça. Après, là, tu parlais des histoires perso. Pour le coup, c'est ce qui m'a le plus ennuyé dans ces deux épisodes-là. Ah ouais, épisodes, ça m'a déjà énervé le va-et-vient entre Liv et Major. Je l'aime, mais à cause de ma condition de zombie, je peux pas être avec lui. Mais au final, j'ai pas envie d'être loin de lui. Mais en fait, il commence déjà à se retrouver quelqu'un. On va comprendre que c'était peut-être pas ce qui est arrivé, c'était peut-être juste une amie ou sa sœur ou je ne sais pas quoi, mais que au final il veut toujours d'elle, etc. Enfin, je sens venir à 10 kilomètres le truc à l'eau de rose CW bien chiant. Amen. Donc là, dans les deux épisodes, c'est pas très présent, mais s'il continue dans cette lignée-là, c'est la partie de la série qui va m'ennuyer le plus. C'est le défaut aussi, hein, que je pourrais trouver également à ces premiers épisodes. C'est effectivement, voilà, un terrain glissant, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Non, parce que c'est encore pas très présent, c'est du filigrane, mais... C'est si ça se développe plus que voilà. Ça va vraiment devenir dérangeant. Après, quelque chose... Il n'y a pas encore de triangle amoureux, hein, estimez-vous. T'inquiète, oula, ça arrive. Ça arrive. Avec Babino, je le sens bien. Ah non, pas du tout. Avec Ravi. Avec Ravi, ouais. Oh non. Non si, plus. Si. Ah non, mais moi, avec aucun des deux. On verra. On verra. Quelque chose que j'ai apprécié, par contre, beaucoup, c'est que c'est ce saut de 5 mois au début du pilote. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette période où, mon Dieu, je me transforme, qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas, qu'est-ce qui est en train de changer en moi. Voilà, on passe direct. On passe. C'est pas l'intéressant, c'est pas l'important. On fait un saut de 5 mois et on débarque, voilà, vraiment dans une situation qui est installée. On aura bien l'épisode flashback, crise d'identité, tout ça. Je suis pas sûr. Non, je pense que ça va être des petits morceaux de flashback comme on a pu avoir dans le pilote et dans le deuxième. C'était suffisant, je trouve. Même si on l'a de temps en temps, pas dans tous les épisodes, mais de temps en temps, ce sera pas dérangeant. Ce qui est sympa aussi, c'est que la personnalité de Liv se développe avec les cervelles qu'elle mange. Elle a pas que des visions. Oui, elle a pas que des visions, ça impacte également son comportement, oui, dans le sens où elle va manger le cerveau d'un peintre, elle va se mettre à faire de la peinture. C'est ça, non, mais parce que t'as l'impression que c'est toute sa personnalité qui se développe. Donc j'ai l'impression que c'est. Enfin voilà, on n'aura jamais un personnage trop lisse, enfin tout lisse, et toujours pareil, statique. Mais finalement, on verra peut-être jamais qui est la vraie Liv. Bah, elle avait l'air pas très intéressante. Hein. Bah voilà. Bon, bah voilà, pour le moment, du coup, une série qui est bien partie, a priori. Quelques défauts, hein, de toute façon, évidemment, on est passé un peu rapidement dessus, mais bon, c'est quand même pas, faut quand même se l'avouer, c'est quand même pas une série qui va révolutionner les séries télé, elle a pas cette prétention non plus, hein, mais voilà, ça reste quelque chose de basique, j'ai envie de dire, dans le développement, dans la manière de résoudre les enquêtes, etc., enfin voilà, c'est quand même pas... Oui, elle emprunte à plein de séries, ça m'a... Juste le duo et l'humour, ça fait penser à Castle. Un peu, ouais, ça pourrait, ouais. Ou toutes ces séries dans la même veine, Bones, ouais, tout ça. Oui. Alors, je sais pas si vous avez pensé à la même chose, mais je trouve que depuis qu'elle s'est transformée en zombie, elle fait beaucoup plus jeune, physiquement parlant. Bah, disons oui. Que ce ouais. Qui est expliqué dans les comics, qui n'est pas dans la série, c'est qu'elle mange des cerveaux pour ne pas entrer en décomposition. Donc, c'est les cerveaux qu'elle mange qui préservent aussi son apparence physique. D'accord. Donc, je sais pas si ça sera précisé un jour dans la série télé, puisqu'on est quand même... Mais en fait, dans la série, ils disent que... C'est pour garder son humanité. Voilà, si elle mange pas de cerveau, elle va devenir complètement, enfin, zombie tarée, à dégouliner et attaquer les gens. Ok. Ouais. Pour rester plus ou moins humaine, elle doit manger un cerveau. Mm-hmm. Mais au niveau physique, non, c'est pas expliqué. Voilà, peut-être que ça le sera, peut-être pas. Bon, après, voilà, c'est une des explications des comics. Après, c'est quand même assez éloigné hein, de ce que sont les comics et des intrigues développées dans les comics, ne serait-ce que dans les noms des personnages qu'on retrouve pas du tout, c'est pas du tout les mêmes noms, il y a plein de caractéristiques qui sont différentes, on vous en parlera dans la Padawan édition de ce week-end, donc c'est pas le terrain pour le faire ce soir, mais voilà, sachez quand même que c'est vraiment là, pour le coup, une adaptation plus qu'une... Un transport du papier à l'écran. Là, il y a vraiment un travail d'adaptation. Il y a plein de choses qui ont été quand même modifiées. Mais ça marche. Ça marche même mieux, j'ai envie de dire. Ça, on verra effectivement ce week-end. Peut-être que ça marche mieux. Bon, voilà pour iZombie. On va pas s'étendre non plus pendant des heures et des heures. On vous fera le débrief de la saison complète une fois qu'elle sera terminée. Ça va être assez vite, puisqu'à priori, il n'y a pas de pause. Hein. Non. Là, au moins jusqu'à l'épisode 10, en tout cas, ça s'enchaîne. Donc, il n'y a pas de raison pour les trois derniers. Il s'arrête en cours de route, puisqu'on sera déjà au mois de mai en plus. Donc voilà quelque chose qui devrait se terminer courant juin, dont on vous fera le débrief donc juste avant l'été. Quelque chose que j'avais oublié d'ajouter au conducteur, c'est la question de la semaine qui était liée cette semaine aux séries télé et aux films adaptés de comics, puisqu'on vous demandait sur comicstories.fr quelle adaptation de 2015 vous attendiez le plus entre Daredevil, qui arrive dans une semaine et un jour maintenant, Avengers Age of Ultron, Ant-Man ou Fantastic Four, donc les quatre grosses adaptations de 2015. Rapidement, avant de donner le score des votes, des réponses des lecteurs, des auditeurs de Comic Stories, un petit avis chacun ? Elvire ? Daredevil. Mm-hmm. Je vais expliquer pourquoi. Rapidement, hein, Parce que la bande-annonce m'a bien plu, l'univers sombre et tout, et je préfère les séries aux films de super-héros, et Netflix m'a jamais déçu pour le moment, donc voilà. D'accord. Elodie? Bah, pareil. J'ai cru entendre que la série était vraiment excellente. D'accord. Donc, voilà, si c'est aussi bon que ce qu'on dit, ça devrait être sympa. J'essaie de me préserver un petit peu justement de toutes ces personnes qui auraient déjà pu voir quelque chose sur la série. Je veux pas trop en entendre pour pas me faire des attentes un peu monstrueuses. Mais j'en ai pas entendu beaucoup à part que c'est super. Voilà. Mais même ça, tu vois, déjà ça me conditionne. Tu c'est vois. Tout en doute. Et donc voilà, je veux vraiment voilà me préserver de tout ça. Arnaud? Bah pareil, Daredevil, juste la bande-annonce, elle donne vraiment très envie. Et même j'aime bien le personnage. Ils peuvent pas faire pire que le film. Et pour avoir commencé les comics, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur j'allais dire sur grand écran, non, mais sur adapté en... Ok, pour ma part, Daredevil, parce que j'attends effectivement depuis tellement longtemps qu'on ait une adaptation qui tienne la route du personnage. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les comics, donc j'espère qu'enfin on tient l'adaptation à la hauteur du personnage. On sera très vite fixé maintenant, mais voilà, j'oublie quand même vraiment pas Avengers 2 parce que il y a quelque chose d'énorme quand même qui risque de se passer. Donc... J'ai un peu peur depuis que Joss Whedon a annoncé que le film durait 2h20, j'ai un peu peur. Bah pourquoi? Bah ils ont annoncé beaucoup de choses pour le film et j'ai peur que ça court. C'est long pour un film de super-héros, 2h20. Bah, à la base, il y avait des rumeurs que ce soit 2h40. Oh, ça fait long. J'aurais préféré. C'est encore plus de plaisir. T'aurais préféré que ce soit 2h40? Bah ouais. Parce qu'ils ont annoncé tellement de choses que j'ai peur qu'ils prennent pas assez le temps ils veulent introduire plein de choses, j'ai l'impression, et j'ai peur que ça soit trop rapide. Ils ont rien annoncé. C'est toutes les interprétations, les choses que les sites, que nous, on se fait. Vu le nombre d'acteurs ou de petits guests qui doivent apparaître, je sais pas. Donc non, on verra, mais... Non, mais 2h40 en Belgique avec les pauses en plein milieu du film, ça te fait 3 heures dans le cinéma, non. Allez, les réponses maintenant des lecteurs et auditeurs de Comic Stories. En dernier, on retrouve Ant-Man avec 2,7% des votes. Bon, c'est pas surprenant, au contraire. Bah, moi, j'aurais dit Fantastic Four en dernier. Fantastic Four récolte quant à lui 8,1%. Et puis après, le duel entre Daredevil et Avengers 2 est étonnamment hyper serré. Puisque Daredevil récolte 43,2% des votes et Avengers 2 45,9%. Voilà. Donc c'est vraiment hyper serré et je pense que c'est un peu aussi ce qu'on pense chacun quoi. C'est vraiment voilà, on va avoir le côté grand spectacle avec Avengers, l'espèce de chose épique qu'on sent arriver depuis des mois maintenant. Et puis la préparation de quelque chose d'encore plus énorme avec Civil War, et puis bah voilà, Daredevil qui s'annonce effectivement comme une grande série en dehors du fait que ce soit une adaptation de comics, donc voilà, bah les gens sont très tiraillés finalement. Donc non, hein, c'est pas Fantastic Four qui est l'adaptation la plus attendue de l'année, mais quand même, 8%. Une déception. Ah, on l'attend tous ce film. J'ai eu un commentaire sur Twitter de Jay. C'est ça, JOTH ou JJ, je sais plus, qui n'attend pas forcément Fantastic Four, mais qui dit que pour lui on peut avoir une bonne surprise, que voilà, on pourrait être bien surpris par Fantastic Four. Voilà. Il est pas si rebuté à l'idée de le voir. Pour moi c'est déjà une merde, alors je peux avoir qu'une bonne surprise. Voilà, et bien tu viens de conclure magnifiquement cette émission. On va vous donner quand même les rendez-vous de la semaine sur Comic Stories au niveau des podcasts, c'est-à-dire que on se retrouve ce week-end pour la Padawan édition consacrée à iZombie, comme je vous l'ai dit. Mardi prochain, ce sera le mag numéro 10, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour Sur nos écrans numéro 10, avec encore une fois toute l'actu ciné-télé, et le débrief de la semaine sera consacré à Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. On va parler un petit peu de l'évolution de la série depuis sa reprise. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine ou samedi si vous écoutez tous nos podcasts. D'ici là, bonne lecture et bonne série. Salut. Au revoir. Salut.